vie sans toi. J'avais pensé finir mes jours dans tes bras, mais je peux contrôler tes choix. Ton futur ce n'est pas moi. Je l'ai su quand j'ai vu cet autre dans tes bras. Tu m'as trahi, tu as brisé la confiance. Pour rien au monde je ne te montrerai ma souffrance. Elle se fera en silence. Tu m'as appris la méfiance. Malgré ma fierté j'avoue je me meurs de toi. Tout est fini, tout est fini. Je finirai ma vie sans toi. Te faire pardonner, tu voudrais tout recommencer.